Charlie, je crois bien que tu as perdu la partie. Tu es si belle, Dolly, la plus belle. Dolly, rien ne semblait pouvoir te résister dans la vie. Tu te maquilles si bien, tu t'habilles si bien que près de toi la plus belle n'est plus rien. Hey, tu m'as pris, Dolly, garçon de ma vie, Dolly. J'ai cru que pour moi c'était fini. Je crois bien que tu as perdu la partie. Quand tu dansais, Dolly, je pleurais, Dolly, mais le ciel pour moi est bien plus bleu après la pluie. Il a compris que toi tu m'aimais, que toi aujourd'hui